Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKGM Chiticamp, WFM 98 Halifax, CFABI Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO la radio de l'Université d'Ottawa et CFRH la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg Saskatchewan, CILS Victoria Colombie-Britannique, CIVR Yellowknife Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, mes contacts d'artistes francophones, vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. Pour, dans notre spécial Trior, pour démontrer la diversité de la musique franco-canadienne, on est rendu avec plusieurs catégories artistes, solos ou groupes de différents styles. En jazz, il y a Suzanne Kennelly qu'on va entendre un peu plus tard au cours de l'émission. Il y a Lucy D et Les Immortels, que je connais pas, hein, j'ai hâte de découvrir, et Jeannie René, qu'on va entendre dans quelques instants avec L'Embuscade. Côté rock, il y a Étienne Fletcher de l'Ouest canadien, Melissa Ouimet de l'Ontario et les Rat Swamp, qu'on va entendre dans quelques instants également avec Tiso Nagan, donc de leur album Arrive en ville. Et on va terminer ça avec tout simplement Haricot, qui, eux, vont faire le medley du Barbier, Haricot, qui sont en compétition, artistes solo ou groupe, musique roots. ben frais dehors. Mais ça me dérange pas parce que je sais que t'es fait fort. En haut et sort du chalet, j'attendrai pas longtemps. Parce que moi, le trapage, ça me poigne par l'envers. Mets du gaz dans le skidoo, on va aller faire une rip. Plus tu payes à sa cachette, ben plus que moi je trippe. Le vent du nord d'en face, faut pas faire des grimaces. Parce qu'on va se geler la langue, ben avant de se rendre. C'est dans cette famille-là que je suis né. Par un beau dimanche à fin du mois de janvier. Aussi qu'à Noël, il y a un sapin à l'envers. Plus que la soirée avance, ben moins que tout est clair. C'est dans cette famille-là que je suis né. Dans un petit village, pas besoin de le nommer. Qui devant un père pis une mère avertie qu'un jour avoir un petit. C'était pour changer le vie. Sors l'eau de vie pis des verres, on fait une tradition. Chaque nouveau drapeur y passe sans condition. Et puis pour tous ceux qui savent déjà draper, ils ont le droit à leur dose sans même le demander. C'est dans cette famille-là que je suis né. Par un beau dimanche à fin du mois de janvier. Aussi qu'à Noël, il y a un sapin à l'envers. Plus que la soirée avance, ben moins que tout est clair. C'est dans cette famille-là que je suis né. Dans un petit village, pas besoin de le nommer. Qui devant un père pis une mère averti qu'un jour avoir un petit. Par un gros dimanche à fin du mois de janvier. Aussi qu'à Noël, il y a un sapin à l'envers. Plus que la soirée avance, ben moins que tout est clair. C'est dans cette famille-là que je suis né. Dans un petit village, pas besoin de le nommer. Qui devant un père pis une mère avertie qu'un jour avoir un petit. C'était pour changer le vie. Mais t'as tu équipé ton côté, il fait ben frais dehors. Mais ça me dérange pas parce que je sais que t'es fait fort. En haut et sort du chalet, j'attendrai pas longtemps. Parce que moi, le drapage, ça me pogne par en dedans. Ma mère n'avait que moins d'enfants. Mon père ainsi que ma mère n'avait que moins d'enfants. N'avait que moins d'enfants, la destinée la dose au poing. N'avait que moins d'enfants, n'avait que moins d'enfants. N'avait que moins d'enfants, n'avait que moins d'enfants. Ce n'est pas l'affaire des filles d'embrasser les garçons. Ce n'est pas l'affaire des filles. est propre, tous les garçons y vont. Quand la maison est propre, tous les garçons y vont. Tous les garçons y vont, la destinée, la rose au bois. Tous les garçons y vont, tous les garçons y vont. Tous les garçons y vont, tous les garçons y vont. Ils entrent 4 par 4 en tapant du talon. Ils entrent 4 par 4 en tapant du talon. En tapant du talon, la destinée, la rose au bois. En tapant du talon, en tapant du talon. En place, on frise un rigodon. Quand tout le monde est en place, on frise un rigodon. On frise un rigodon, la destinée, la rose au bois. On frise un rigodon, on frise un rigodon. On frise un rigodon, on frise un rigodon. Le medley du Barbier de la formation Haricot de la région de Penetangouchene, trois sœurs avec leurs parents, Louis Lefebvre au piano, Laura qui elle joue de la basse, et les trois sœurs, eh bien c'est Jill, Nicole et aussi Kelly Lefebvre. Trois violonistes, trois auteurs, compositrices, interprètes, trois belles voix, trois danseuses, bref, trois filles remplies de talent. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est tiré de l'album Portrait de famille. Juste petite parenthèse comme ça, je ne peux pas te donner plus de détails, mais Louis Lefebvre m'a fait entendre une version rudimentaire d'une prochaine pièce que Jill Lefebvre a composée. Et c'est bon, c'est bon. Puis c'est vraiment rudimentaire, là. C'est la première cote qu'ils ont faite, là. Donc, à surveiller, Haricot, sûrement un groupe qu'on va entendre parler très, très bientôt. Sûrement peut-être un nouvel album d'ici un an, qui sait. Mais il faut surveiller ça et encourager ça. Parce que c'est trois jeunes talentueuses, comme on les aime. Là, on va y aller côté instrumental. Du côté de l'album de l'Acadie pour les prix Trior, il y a deux artistes qui s'adonnent dans la musique instrumentale. Il y a bien sûr Vishtun, qu'on va entendre la pièce-titre de leur album Horizon. Oui, ils font de la musique folklorique, ils chantent des fois, mais Horizon, c'est une pièce instrumentale vraiment excellente. Ça s'en vient dans quelques instants. Horizon, de Vishtun. Très, très, très bonne pièce. Et aussi, on va entendre tout simplement Sean Ferguson, Résilience. Là aussi, un album, un excellent album instrumental d'un virtuose de la guitare. C'est vraiment phénoménal ce qu'il fait. Je sais que ces temps-ci, il est pas mal en Europe et ça va très bien. On est bien content pour lui. On va l'entendre dans quelques instants. Mais pour là, voici Vishtun Horizon. Thank you. Résilience de M. Sean Ferguson, qui est venu faire un tour à Penetanguishene au courant de l'hiver dernier. Et les gens ont beaucoup apprécié ici, ont vraiment découvert quelque chose de magnifique. Et il était vraiment là, en grande forme, malgré qu'il venait de l'Europe. Et il a fait un excellent spectacle avec de très bons musiciens. Donc, Sean Ferguson, que je vais peut-être croiser au Gala des Prix Triors, à savoir comment ça va, parce que ces jours-ci, il était en Europe, je pense, la semaine passée, et ça avait très bien été. En tout cas, les commentaires que je pouvais lire sur Facebook, c'est que ça allait très bien de ce côté-là, parce que c'est un grand musicien, un virtuose de la guitare qui, vraiment, là, se promène un peu partout en Europe et connaît de grands succès. Donc, bravo à Sean Ferguson. Est-ce qu'il va remporter le prix de l'album de l'année Acadie? C'est à voir. On va faire une pause dans quelques instants pour se rendre au bloc de l'Ouest canadien. Juste vous rappeler que l'émission d'aujourd'hui, c'est un spécial sur les prix Trior. À l'heure où j'enregistre l'émission, eh bien, je m'apprête à partir pour Ottawa. Le gala des prix Trior, c'est le 2 mai. Il sera diffusé sur UniTV. Donc, et puis, ça vaut la peine d'aller faire tout simplement apcm.ca/Trior pour découvrir différents artistes de la francophonie canadienne. Je vous rappelle encore une fois une petite histoire rapide. Les Triors, ça a 20 ans, c'est à tous les deux ans. Ça a commencé il y a 20 ans avec une petite soirée qui rend hommage aux produits de l'Ontario français avec 10-12 trophées. Maintenant, c'est à la grandeur du pays. Le Gala des Prix Triors, ça reconnaît la richesse, la diversité et la puissance de la musique franco-canadienne. Donc, ça vaut la peine. La semaine prochaine, je vous donnerai les gagnants, bien sûr. Donc, on va faire une petite pause, si vous voulez bien, et je vous reviens avec le bloc de l'Ouest canadien.